j'aimerais faire le tour du monde. Moi, j'aimerais faire le tour du monde. Faire comme si tout était facile. Sauter dans la foule, échapper à mes problèmes et faire des trucs de ouf. J'aimerais faire le tour du monde. Moi, j'aimerais faire le tour du monde. Faire comme si tout était facile. Sauter dans la foule, échapper à mes problèmes et faire des trucs de ouf. J'aimerais faire le tour du monde. Je suis autant déterminé que ma plume. Mon anglais est pas sérieux. Mon passeport est vierge comme une âne. Mais un jour j'irai croquer la grande pomme. Mais en attendant j'irai chercher du taf. Parce que ma carte ne veut pas que je sorte du cash. Pousse-toi de là si tu veux pas que je me fâche. Les idées sont frustrantes si t'es fauché. À 20 ans toi tu rêves. Moi la réalité ne fait pas de trêve. Mais t'inquiète, à Rio on ira danser. J'aimerais faire le